Bonjour. Bonjour, bonsoir. Les amis. Merci. Merci pour la Rosalavana. Merci pour la confiance, Nabino. Pour la confiance, donc, Bozo Salabiso. Et ça nous va sincèrement au cœur. Et Tokosenga, comme d'habitude, Denge Bokoti, Bolie, Bissombalamo, qu'on a ma page Nabino Facebook. Ou na ba page na bino Moussousou ou WhatsApp si possible pour que Toméra Kosolo la mouke lelo peut-être Tokende Moussikate et comme un slogan t'es hein, chez nous en tout cas ce bon moni te promettre que Tokende Moussikate et que nous avançons toujours c'est par rapport Yandenge Bozo commenté, ça nous pousse à continuer, couper ces explications, les sous-sous, moi, Moulaï. Bon, monito, tchèque titre, Nabiso. Est-ce que Ezali, Makambouya, c'est un problème, il y a sérieux? Soki tozali ko avancer te. Botage batu msu s'il vous plaît, parce que batu msu ba oya non na koti na retard au lobby nini. Félix Diaré, oh mon frère, ton nom, merci, hein. Hier, Zalakara, toujours pour nous compter le nombre et le j'aime. On a besoin de ça parce que vous savez que, hormis IDEPES, hormis Bande Konabiso, Bamilouvor, un allié de taille pour nous attaquer. Alors, bah lié détail na bango au bah outi vous voyez par-ci par-là comment est-ce que des vidéos sont montées bah prépayé bah commis et belé bah tout donc pour bah y a quoi attaquer biso pour bah y a colobela biso parler de nous c'est pas un problème en fait hein c'est pas un problème mais le problème est que Lokuta. Parce que tozali batu, tokoyi kozala pe na ba mbeba mususu, ce qui est normal na vie humaine. Mais pour na ko attaquer mutu, ko vilipende mutu, to mekaka un peu ko kende na vérité. Rien que la vérité, koyi ko sauver biso, rien que la vérité. Et qu'on y comme ma biso na changement. Rien que la vérité. Et qu'on y qu'on libère mbo kanabiso. On ne peut pas lutter contre le mensonge dans le mensonge. Ezali vraiment moi passé. Ezali moi passé. Alors. Lelo toye juste. Pour tomituna cette question. Est-ce que Tozali n'a problème, il y a sérieux? Yangoana Tozali quoi avancer t'es? Ou Yangoana Tozali quoi comme un résultat autolingi t'es, n'a tant autolingi? Alors, pourquoi na lobi boye n'a kei na une observation de la société yamonde? Moi, ba pays, moi, mingi, oyo, bazali na ba problème, bazali na ba koko solo ko la biso na Congo. Et comment expliquer que ba pays wana, directement bon directement t'es mais en tout cas rapidement ba cause na bango ezali entendi na monde mobimba et monde pe ezali mobilisé pour que ba trouver la solution na ba problème wana na kei juste na questionnement wana les problèmes congolais et bandi les loté et pourquoi ba problème ya biso na Congo batu ebele na monde soki ba yoki yango oyebisi bango bazali surpris ke na yebi yango te est-ce que ezali ignorance est-ce que ezali volonté ya kobo ya koyoka yango est-ce que ezali méthodologie ya biso ba congolais tozali kozoa pour que ba cause na biso eyoka na mokili mobimba. Après ce petit moment que j'ai passé dans ce qu'on appelle résistance, j'ai vite compris que tozali n'a pas problème ebélé. Ba Congolais, tozali co-créer ba association moi ebélé, ba organisation moi ebélé en ce qui concerne la lutte et la libération, en ce qui concerne la lutte contre ce qui se passe chez nous au pays, batu ebele bazali ko créer, ba créer ba organisation. Alors, mais maintenant, lokola tozali na ba organisation, pourquoi makambu ya ba organisation ezali ko yokana te? Parce que mes chers amis, il faut boye ba ke tozali na ba monde mibale. Tozali na monde oyo la société ndenge tozali ko vivre boye des citoyens ordinaires ya monde et puis tozali na monde mususu bien structuré. Bien que ezali anarchique, mais il y a une structure dans cette anarchie, il y a monde oyo tobengi le monde international. Alors, comment expliquer ni le monde ya ba citoyen ordinaire ni le monde ya communauté internationale moke bazali ko yoka ba fungula matu ipo ba yoka ba problème na biso ya Congo et même moke wana o bazali ko yoka ba problème na biso ya Congo pourquoi bazali ko tchaka na ngote pourquoi bazali ko tcha attention na ngote. J'ai vite compris que problème ekoki ko uta epai na biso moko ba congolais. J'ai vite compris que to tchaka seriété na makambo na biso yango wana tozali ko remarquer que ba problème na biso même batu bayoki yango ils s'en foutent na ba problème wana bazo tcha penza attention té na ba problème wana na ko kende na ba exemple je ne viens pas ici pour na attaquer Batou, mais quand vous créez ndenge na lobakango, quand vous créez une organisation, l'organisation devient publique. Et ça se sous privée. Il y a des organisations ndenge na outi koloba ya ba congolais bazali ko créer par-ci par-là pour faciliter biso to kende liboso pour na pour na cause ya mboka na biso. Na kokende awa kotanga peut-être mibale, mais en tout cas, la plupart des organisations nyonso ya Congo, je dis bien la plupart, des organisations nyonso ya Congo bazali identique. Okomona une organisation. Ezali coopérer par exemple dans la diaspora congolaise. Une organisation bien reconnue par le pays où ils opèrent, mais hélas, reconnue dans le sens que statut est allé, légalement, bas allé reconnu, Mais hélas, cette organisation ne remplit pas bazwakaba responsabilité nabangote comme organisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que on a une organisation pour créer les lots, pour créer l'État, pour besoin mikanda, pour opérer. C'est bien. Mais quand vous êtes une organisation, il y a de certains pays et organisation en a ce qui est allié, même si les alliés habitent non lucratifs, mais à un certain moment, il y a des organisations qui se lancent dans des collectes de fonds. Vous allez collecter mbongo, cotisation pour l'organisation. La question maintenant que je me suis posée, en voyant de près quelques organisations, j'ai remarqué qu'il y a des organisations au Congo, soit Bazali, bon, des organisations congolaises, Oyo et Zali reconnues par l'État là où ils opèrent, mais malheureusement, ces organisations ne payent pas de taxes, ne déclarent pas les impôts. Mais Nakatikuna, par exemple, il y a un problème, Boya cotiser Mbongo. Nous avons un problème de Kwa Koufi. Bon, cotiser Mbongo. Nous avons un problème, Tokenina justice, Tozana besoin ya Mbongo. Nous avons un problème, Ndeko Moko Bakangie, Tozana besoin ya Mbongo, bon cotiser. Mais tout ce qui est collecté, vous devez déclarer les taxes. Parce qu'il faut vous foutre un impôt, Nabisika Bozali. Ce qui Bolingi va considérer bien que c'est une organisation sérieuse. Nakope Sabino, un exemple awa. Ce qui osali na molimo incompréhension, s'il vous plaît, vanda na se, zoa elamba ma itcha na mutu. La pareko. A pareko ezali Alliance Yaba résistant congolais, où ils allaient créer en 2005. Pourquoi nous avons exemple à Pareco? Kouloutou Honoré Mbanda m'a contacté, Nakoyana ba histoire, Wanate Yakoluka, un représentant au niveau international, et Outaki et pas Nangaïté, et Outaki et pas Yakoulutou Mbanda, par la Pareco. Babi Malibanda ya Pareko, Baluka, Nakatia Résistance, Baluka, un représentant au niveau international. Quand on dit au niveau international, ça veut dire Moutou Oyakoyiko représenter la résistance congolaise, na niveau par exemple communauté internationale, le Kola ONI, le Kola ba Union européenne, le Kola Union africaine, le Kola ba SADC, le Kola. Donc, organisation internationale Ezali Mingi. Monsieur Mbanda a pensé que, en tout cas, même si Tozali Kosala moi quelque chose pour Nambo Kanabiso, les choses bougent, mais Ezali suffisante T. Ezali suffisante T, il nous faut une présence internationale. Voilà ba histoire au bozo kandenge zo leka. Bande comme sou ba lobby, ba tout sou ba yeko panza résistance, ba tout sou ba lobby ayeko luka azala leader, ba tout sou ba lobby azo luka azala mokonja pareko. Non, le problème n'est pas là. Le problème était Monsieur Mbanda a sangissa ba résistant pour ba luka un représentant au niveau international. Moi, je pense que tu es bel et bien capable de faire ça. Mais attention, pour nous un représentant au niveau international, beaucoup ne jamais dans Mbokanangaï, dans Massimanimba, beaucoup ne sont un coupeur Yambila. Mokati Mbila, pour que vous soyez en résistance, pour que représentant, au niveau international. Parce que cette personne-là, même si elle est capable, elle est mayele, mais elle est kozanga un carnet d'adresse pour amener maman l'obaya résistance au niveau international. ezalaki une question ya koyeba prototype d'une personne. Na kati ya ba discussion oyo, nous avions proposé to solola na makambo ya ba kombo ya bato te, to solola na makambo ya prototype ya bato. Moto o akorepresente biso azala nani, azala na diplôme nini, azala na expérience nini, azala na ba contact nini po a represente biso. Na kopesa bino mwa révélation moko pour vous dire que Monsieur Honoré Mbanda, na kosenga na biso tokota na kati ya réflexion oyo koluka un représentant au niveau international, ayebisaki ngai que j'ai analysé profil na yo pendant au moins une année. Batu na ngai mosusu, ba service na ngai mosusu, na tiaki bango po balandela dossier na yo, balandela façon na yo, balandela toloba expérience na yo, balandela misala na yo, et baye ko propose ngai ke ozali mutu parmi bato oyo bazali ko remplir profil wana ya ko représenter biso au niveau international. Mais comme ce n'est pas une histoire de la Pareco, ce qui est la cana Pareco, ngai moko lokola président ya Pareco, na linga ko imposer à Pareco, ba accepter yo au kota na Pareco. Même si au boyaka, na linga ki na sala tout, na kotisa yo. Eza makambo ya mboka. Mais comme ezali makambo ya résistance, na zali président ya résistance te, yango na senga ki. Bato ya Pareco bamema yo na kati kuna réflexion ya résistance pour que bosala l'élection et je sais soki élection esalemi na ndenge ya malamu okozala parmi bato oyo bakozala élu o représenter biso au niveau international. Mais malheureusement, lokola boyebi Congo na biso tozali na bafront ebele. Front mususu ezali front spirituel. À tout moment, soki mboka na biso elingi esala likambo moko ya malamu, ya toujours oyo babengi le devient négatif. Bako ya toujours ko tia désordre. Yango wana tozali kosenga que diaspora, même si tozali na bit moko biso nyonso, diaspora, il faut kabwana na deux parties. Bon, toloba, la résistance, il faut kabwana ba deux parties. Une résistance négative et une résistance positive. Ce qui na lobby négative et positive, ça ne signifie pas que bazali négatif ou bien bazali positif. Tu expliques en gros, Mbalayasima. Une résistance active, think tank, Oyo Bazali capable, Yakomema quelque chose, na katia résistance. C'est-à-dire que c'est un groupe, la résistance positive, c'est un groupe de personnes, Yaba Congolais. Oyo Bazali na capacité de raisonner comme même sur papier une proposition y a sorti na ba problème oyo tozali nango parce que tozali kaka na problème politique te tozali pe na problème ba problème sociaux na mboka na biso tozali na problème économique tozali na problème mentalité tozali na ba problème ebele. Alors nous devons constituer un groupe de gens oyo bakoya te po ba beta maboko. Ba loba non, nga pe na apuye kaka ide ya lobi. Nga pe na apuye kaka ndenge ya lobi na ko bakisa susu eloko te. Ye asi ya loba ki na ko bakisa eloko te, non. Nous avons besoin d'un groupe de gens qui viennent to lobi. Bon, voilà, toko kende na maki, il y a une semaine, il y a deux semaines, que chacun de nous vient avec une proposition na domaine oyo ye a yebi, ye azali expert. Et puis, la résistance au Nazok Benga entre guillemets négative, c'est la résistance en réalité qui accompagne les résolutions de la résistance positive. Tozali na batu bandeko oyo akoyi kobima na balabala, kotia mwa makelele, koyemba, kobeta bambunda, mwa nzembo kobongisa mwa malamu iyo le, samba samba, voilà. Toza na besoin na bango na résistance. On néglige personne. Mais, il faut ba résistance, on a nyonso mibale e kabwana. L'erreur que nous avons commis, l'erreur que nous commettons, ezali ya kosangisa batu nyonso, ba résistant, oui, tout le monde, brrr. Baye bakoti nakati. Nakati bozo e bate, il y a des déviants positifs, il y a des déviants négatifs. Alors, il faut comme à niveau, il y a que sélectionner qui appartient à quel type de résistance. Toko développer en ciment. Alors, la question qu'on se pose ici, na sujet na biso, est-ce que tu as un problème, il y a sérieux? Comment expliquer dans le monde, botala par exemple, ce qui se passe na Birmanie. Batu ya Birmanie na un mois ya pamba. La résistance ya Birmanie. La résistance positive basangani rapidement parce que bazali déjà bien structuré pour que ba pousser la communauté internationale. Yako kanisa sur ce qui se passe na mboka na bango. Bakoti si ba résolution na bango. Deux jours après, l'ambassade, la représentation ya France na Nations Unies, na New York, ba contacté la résistance birmane. Po batu na bango, to solola na bino, to linko comprendre. Bolingi nini, oni asala. Bolingi nini, résolution nini, oni azwa. Tolingi toyo kabino. Na résistance wana, nazali na ba kamarade mi balé. Moko avandi na Australie, moko avandi na Japon. Na sengi na bango na lingi, comme réunion na bine kozala na Zoom, na lingi na yoka. Qu'est-ce que vous allez discuter? Batinde la kingango, ezala ki une réunion secrète. Et la France n'a pas payé moussousou ba pousser conseil ya sécurité pour que ba se réunir. Les lotozo kende, si je ne me trompe pas, deuxième réunion ya conseil de sécurité pour la Birmanie. Boyo ki ba condamnation par-ci par-là. Ce qui totali bamboka ba crise lokola Liban. Tomoni la diaspora ya Liban. Comment ba bousculer monde pour que monde e kanisa sur bango et bomona ki ba réunion ba bailleur de fonds pour na Liban. Exemple les alliés belé. Mais pourquoi? Makambo o ezali très atroce. Na biso na Congo, Bokomo n'a jamais conseil de sécurité, Bokomo n'a jamais ONI, Bokomo n'a rarement ba bailleur de fonds, ba se réunir d'urgence pour que cause ya ba Congolais et yokana rapidement, ba o ba linko zo ba résolution, ba zo ba résolution, o ba linko condamné, ba condamné. Manque du sérieux. Manque de sérieux. Pourquoi manque de sérieux? Parce que to sanganaka biso nyoso. Okomona mutu musu azali ko ganga apareko apareko. Soki botunye na apareko, qu'est-ce que tu as amené comme réflexion? Zéro. Nakati apareko ba intellectuel bazali. Soki botali ba vice-président na bango mususu, to yoki bango, natanga place boye, natanga place boye. Oui, c'est bien de diplôme. Diplôme ezali papier, il faut le défendre. Romona mutu mususu na tanga na Sorbonne, na tanga na Suisse, na tanga na Mboka Boye, na tanga Boye, na tanga Boye. Oui, c'est bien bon. C'est un papier diplôme que vous défendez là. Qu'est-ce que vous avez apporté dans la société et au monde pour un diplôme na yo? Qu'est-ce que vous avez innové pour un diplôme na yo? Bah, universitaire bazali ebele, koluka ba emploi, demande d'emploi bazab expert. Or, un universitaire musala na yeza koluka emploité, un universitaire musala na ye ko sala emploi, ko sala musala. C'est ça le rôle y a universitaire, raisonner, comment changer la société. Et ça kakate o tandi ba ma plom na yo na mesa, na mir na yo andaku, o yo na tanga ki na université de Kinshasa, o na tanga ki na Suisse, o na tanga ki na France, o na tanga ki na Ouzbékistan, o na tanga ki Sikaboui. Oui, c'est bien bon. Le fashion, c'est bien. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec ces diplômes? Qu'est-ce que vous avez fait avec ces diplômes? Mes chers amis, ce qui n'a eu combo y a pareko, na koloba susuna CNRC, je pense c'est ça. Parce que zali na kata résistance, mususu pe zali. Ce qui botali a pareko, monsieur Mbanda m'a contacté. Na tango to bandi ko sorola, nous avions eu ba causerie moko. Il faut présence na biso ya résistance au niveau ya ba institution internationale lokola na ONU. Na katoni ezali na ba service moko ba yokaka batu d'une façon officielle té d'une façon officieuse ba yokaka batu. Lokola batu ya Birmanie ndenge na utiko pes exemple ba yokaka batu avant makambo ne comme officiel ba bengi bino boya to yokabino. Na lobaki yango la fois passé que na bandaki ba de marche wana parce que na zali moko ya batu nef oyo ba ponaka batu ya koya na Nations Unies société civile hein ba pays te parce que l'ONU appartient c'est un club de pays mais ba ay ko inclure la société civile na kati kuna na zali moko oyo na sali musala na kati ya société civile wana ko pona batu ya koya na ONU po baloba. J'ai parlé avec des amis, cause ya Congo. Mais na cause ya Congo, na zo répété loko na lobaki yango, batebele batu na kangai, bongai ngai eleki, bongai, bongai, ozali kuna na ONU osala kanini pona Congo. Réponse na pesaka yango ke, ONU a considéré ka ba individité, mutu moko oyé. Talambo cannabis c'est un problème. Bo considérer makambonanga, bo convoquer conseil de sécurité, bo convoquer assemblée générale, non. ONU a agi saka na ba représentation, na batu, na ba groupe ya batu. O bazali ko représenter une frange ya société. Mes chers amis, na bandi ba démarche on a parce que j'avais des relations yamala muna pareko avec M. Mbanda. Parce que moi, j'ignorais tout le monde na kata pareko. Moi, c'est avec M. Mbanda. Na bandi ba démarche. Voilà, hélas, M. Mbanda yeko koufa. Une semaine après, les amis ont posé qui problème pour na ba yoka biso na makambo Congo. Ba yeko répondre ngai que oui ba lingi ba entendre ba congolais na moi commission oyo le problème c'est quoi bo lingi ONU a lobela même si ba problème ngwe yebani mais vous savez l'ONU se o abenga ka la bureaucratie ba yebi yango mais ba lingi ba yoka bino kaka o ba ko yoka pa na bino ba si ba yoka ngo mais ba lingi ba yoka bino c'est ça la bureaucratie. La question que je me suis posée, ngai na bata pare ko to bebani balobi na za susu ngai te semblere ba bengani ngai pai wapi na yebite. Même si to bebana ki na pare ko te ba tu ebele ba rendre monsieur Ngbanda service ya mabe bazali ebele. Apareko ezali une association ou ezali reconnue par la France. Autorité française ba yebi apareko. Apareko ezali na statut nango na France. Na kati apareko ndenge na lobby ba tomayele baze bele ou batangi mabamboke bele ba Suisse. Pouvez-vous croire que apareko azali kozwa ba cotisation ba membre? Il contribue. Mais apareko a foutata un centime ya taxe te na gouvernement français. Ben intellectuel oyo bazali ko se vante biso na pareko. Moutou moko te ba université ro nyon son akati ya pareko ki a conseillé à Meshe Ngbanda que le quoi tozali reconnu na France tozali na statut ba loi ezali ko senga na biso soki association na biso bien que ezali na but lucratif te mais tozali ko zwa ba cotisation il faut déclarer ba impôt na ba cotisation o bozali ko zwa banda 2005 jusqu'à présent apareko a futata un centime te comme taxe, donc a déclara impôt a taille une journée te. Voilà dilemme. Ce qui te lobby qui apareko ezali une organisation structurée, bien structurée na diaspora, na résistance. Est-ce qu'apareko a koiko kende na oni a loba? Ako kende te. Ako kende te pourquoi? Naoni, po okende ko loba, soki bozali in organisation, tolobi bon, apareko represente, toloba entre guillemets, apareko represente la résistance. To po nasiko apareko, ba kende ko loba makamuna biso a Congo ndengezo leka na niveau ya oni. Oni bako senga d'abord, un, que l'apareko ape sa statut na ye. Deux, apareko apesa bon nakata statut organigramme ezali apareko apesa déclaration ya ba taxe souvent ba senga ka ya 3 ans 2 ans 3 ans 4 ans mususu mususu ya de ces choses là noni ba senga quand même 5 ans ya déclaration ya ba impôt parce que vous êtes reconnu quelque part bo kotiza ka bambongo so tali na statut ya apareko to bazali na ba article ya cotisation ya ba mbongo. La question maintenant qu'on se pose, pourquoi M. Ngbanda n'a pas été conseillé pour que apareko lokola tozali kozwa ba mbongo a cotisation ya ba membre, il faut qu'on déclare ba taxe. Il faut qu'on déclare ba impôt. Parce que mbongo wana réalité na tango ye. Il faut qu'il y ait un compte ya apareko comme organisation. Et le coup, il y a un compte ya apareko comme organisation. L'État français a causé qu'on prélevé ma taxe. Nango. Ce qui a prélevé ma taxe, na fin ya exercice annuel, l'apareko doit déclarer ses impôts. C'est ça dans la société organisée. Pourquoi est ça le maté? Nazoya awa koko questionner mbongo ya pareko te ba cotisation loin de là mes chers amis nazoya awa pona démontrer bino quelle façon a pareko et sale la ki même si to banda ki na kulu to honorer Ngbanda to mema mongongo ya résistance na ba institution internationale elingai koza la passe impossible a pareko akende na niveau par exemple ya oni koloba parce que bako écarté dossier ya pareko pour manque ya déclaration ya ba impôt. Ezali kaka pareko te. ezali na ba organisation mususu ya biso na diaspora. Bazwa kabambongo. Nde kwa beli, bo sangisa kanyot. Nde kwa kufi, bo sangisa kanyot. Me, babilo kwa nanyo so ba kanyot wana ba organizasyon na biso esalaka. Eza mabete, futo sangana, to sungana entre biso. Me, ifu ko ye ba bozali ko sala epa yo api. Vous opere dan kel peyi. Mi be kwa mboka ne lo binini. Me, natali preske... Sept organisations na diaspora na biso o bazali ko bundela mboka. Sept organisations. Ba président bazali, ba vice-président bazali, organigramme mobimba bien complet. Mes chers amis, mokote o nazana ngo déjà, mokote ba futaka ba déclarer ba taxe na bango ba futaka taxe. Alors mbongo bozali ko zoa ba cotisation et kendaka na compte ya nani, ya individu ou bien qu'il y a un compte d'organisation. Parce que dans la loi, si tu vas dans la diaspora, ce qu'on a l'organisation, ceux qui ont l'intention de faire une cotisation pour vivre au temps de l'organisation, de faire une cotisation, il faut quand même compte bancaire. Compte bancaire, ils ont un combo de nani. Ils ont un combo d'organisation, ou bien ils ont un combo de président, ou bien ils ont un combo de vice-président, ou bien ils ont un combo de trésorière. Dilemme alors, ce qui est en combo à Moutoupo, bo fouta ba taxe, Moutouana ou fouta ba taxe, na ye individu ou fouta ba taxe. Mais na souka ya mboula, ou déclare ben impôt na yo, ba moni ke reveni na yo eza faible, mais quand même ou fouti ba taxe, ba zongi saka mwanda mba mbongo. Ba touana ou ba simba ka ba compte bancaire, ya ba organisation, ou yo bazali ko zwa ba cotisation. So ki l'état et sika bovandi bazongi si tax mbongo o futi o déclaré impôt ndamba mbongo bazongi saka so futa ki normalement et ki reveni na yo eza faible mbongo na zonga kana caisse ya organisation ou bien na combo ya moto parce que l'état so azongi si tax wana zongi saka na combo ya moto parce que compte eza na combo ya moto voyez-vous moi ndamba escroquerie na kati wana. Parce que ce que l'on dit, bon, ça c'est une organisation. Tout le bas, bon, tout ça n'a compte, organisation, mais compte n'a combat président. N'a combo, il y a président. Président, il y a individu, moutou. N'a combo, n'a y a compte. Batou bazo tinda ba cotisation, ce qui n'de kwa beli, n'de kwa kufi, n'de kwa bakangie, n'de kwa zana problème. Bazo tinda ba cotisation, ezo ke n'a compte, wana y a président. Alors, na souka mboula, ndeki to vayna diaspora, biso nyo so to deklara ka ba tax na biso ba impo. So we deklare impo, l'état esika to vandi, ba zongi saka mbongo. Biso to zayina mwa konti na bamboka mwa ebele, na mboka ya Canada to zanango, na mboka Australie to zanango, na mboka New Zealand to zanango, na mboka Swiss to zanango, mais tellement aux alina ba compte na mboka na komona mukanda il faut que déclarer un peu banda date boy ti date boy on a déclaré mais siko soki l'état zongi selio mbongo yo zali une organisation mbongo na osimba kana compte na yo eza yote ya organisation mbongo l'état zongi saka et kenda ka wapi opesa ka rapport na organisation boy bon voilà l'état zongi se taxe par exemple $3,000 €3,000 mbongo yangoyo na chango na compte ou bien oliaka yango soki oliaka yango ezali une escroquerie bino nyoso bozali na ba organisation botu na ba président na bino o ba kombo na bango ezana ba compte o bokotizaka mbongo a déclaration ya taxe ezongaka bachaka wapi bachaka wapi nazali kuna te kosala ba inventaire ya ba organisation ya batu na ebi trebe batu ba ya ko atakenga ebele batu balingi vérité te ba ya ko atakenga ebele mais mon problème ici bozo remarquer que bozo ina ba organisation ana bozo za bambongo vous ne déclarez pas bo futaka ba taxe te bo déclarera ba impoté et maintenant tozali na problème sérieux na résistance oyo. Nous nous sommes investis, en tout cas, franchement, ngai personnellement, na mwa ndamba connaissance na nga nazana ngo au niveau international na aidé ba organisation na biso ya Congo tokende esang elongo par exemple to loba bon voilà oni ba organisation oyo ya Congo tozali par exemple 20 organisations mususu baza na Europe mususu baza na Afrique mususu baza na Congo mususu baza partout 20 organisations tosangani tolingi oni ayoka biso oni akoyoka bino ndenge nini soki bozali ba mususu l'état esika bazali l'état yebi bangote ba mususu esika bazali l'état yebi bango me ba futa ka taxe te me ba collecta ka bambongo alors oni akondima bino ndenge nini parce que tous ces pays que j'ai mentionné ici donc un exemple la Birmanie ba organisation ba Birman na tango ba sengi oni ayoka bango organisation na bango ezali bien structuré bazali na ba statut na bango e ba futa ka ba taxe na bango ba déclara ka ba impôt na bango sans un problème oni akoyoka bango e maloba na bango okende musika est-ce que biso na Congo nous sommes capables de le faire ngai personnellement siko nazali na un dilemme le 29 oyo il faut na mema au moins une association à ba organisation ya Congo ya diaspora na ba obaza na Congo ba représentant baza la 5 ba yoka biso d'une façon officieuse d'abord le 29 par Zoom et par la suite comment ba koyi ko bousculer conseil ya sécurité. Cette organisation, mingi au bavan na diaspora. Cette organisation, mes chers frères et sœurs, moko futa ka taxe te. Mais ma contribution est aliko salema chaque jour. On peut comprendre moi ba organisation ya mike. Mais une organisation comme la PARECO, une organisation comme la PARECO doit déclarer les taxes, doit payer les taxes plutôt. Il faut déclarer ba impôt. Tozali koya na résistance, touye na résistance. Comme vous le savez, résistance ezali lokola mupepe. Mutu nyonso o alinga pema akoyi kokota na résistance. Résistance ezali ya mutu te, résistance ezali na structure te. Résistance ezali na esika te basenga ka demande ya adhésion. Résistance ezali na esika ba revoka ka te ke noto longoli yo te ezalaka te ezalaka te yana pas, ça n'existe pas. Toujours répéter yango, c'est anarchique, le chaos, la résistance. Mais ya ba moi ba structure mke o ete le maka et tonga maka na kati ya résistance. Est-ce que nous sommes sérieux avec nous-mêmes? Je pense que tozali seriété na biso moko. Tozali seriété na biso moko. Parce que au fait ezali na ba structure mususu na communauté internationale par exemple l'Union européenne par exemple batebele na yebi mingi te pona bango mais en tout cas la plupart ya ba organisation internationale o ezali sérieuse lokola ONU. Vous ne pouvez pas koya ko lobay pa na bango soki oza na statut légalité. Soza na statut légalité okoyate. Okoya ko lobate. Donc conseil na ngai na bande ko nyonso o bazali na ba organisation. Na ko senga na bino soki bozali na statut légalité, boluka statut légal. ce qui vous allez vous déclarer la taxe, c'était et que vous avez une contribution, ya mbongo bat ba cotisaka. Cotisation nyonso. Il faut qu'on déclare yango. Conseil nanga ya misatu, ezali. Ce qui vous allez na une organisation, et que vous avez une organisation na biso o ya ko sungana entre biso. Bat ba koyi ko pesa ba don, bat ba koyi ko contribuer na mbongo. Il faut bozala na compte bancaire et compte bancaire wana ezala na kombo ya organisation. Ezala na kombo ya mutute, o no président, o vice-prete, na kombo ya organisation. Soki bo tiango na kombo ya mutu, bo lande la pe. Mbongo o ezonga ya taxe, e kendaka wapi. To sali mabe? Bota la siko toza na difficulté. Wapi, bo organisation structurée ya mboka na biso. Oyo bazo respecte ba norme ya oniko kende ko loba. Wapi, tozo luka bango. Le 29 oyo. Nazali ko senga yza la reporte, parce que ça ne va pas. Voilà le sérieux ya biso ba kongole. Na mwandambo wa soni. Na pousse bango. Bon, monsieur Yombi, d'accord. Allez, venez. Na erwana biso kuluto nore mbanda zara ki vivant. To cha kombo nini apareko, na ko cha apareko. Moi je croyais que apareko na libanda, respecte makamwana nyoso. Bon, boya. Il faut maintenant changer le nom de l'apareko. Parce que na moni e sikate. Organisation soki ko e deklara batak se zate ke batona ba yebi sanga. Moi je sais. Ndengeni na kokota koyeba organisation ce qui est fouta ka ba taxe bien fouta ka te. J'ai regardé les en mboka na France. Bon voilà, comment utiliser organisation les en France pour bo découvrir ce qui fouta ka ba taxe, ce qui a reconnu légalement. Na tala boya pareko, ils a reconnu légalement na France. Na tala côté ba taxe ba déclar ba fouta ka ba taxe aucun centime. Aucun centime ba fouta ba taxe te. Pourquoi? Compte bancaire à Pareco, parce que statut est à France. Compte bancaire na komba Pareco, il y en a pas, il est élevé. Mais na kati kuna tozo mona ba mention na ba statut na bango ba mention il y a cotisation. Mundele déjà sokotche cotisation, il faut ba yebi déjà ba tu bazo cotiser. Bogotuna leki na biso Patrick Fonja na Londres, c'est lui qui étudie makambuana ya ba finance biloko ya nyonso. Il va vous dire que ba fisc na tango ba kenda koluka batu o ba kimisaka ba mbongo ba yebi ndenge ba luka ka bango. On a cherché, on n'a pas vu, on voit des cotisations banda 2005, la Pareco, le membre de la Pareco cotise bazali ko cotiser depuis 2005. Et même aujourd'hui, on est toujours sur la boye, ma cotisation est au salement. Mais compte au nom de la Pareco, ils aillent na banque nini. C'est que moi, je vis, ils aillent à combo ya batu. Wapi ba taxe, ça paraît quoi foutaka. Donc, ce qui est intention, ils aillent à qui ya malamo, peut-être la Pareco pouvait aller pour que. Bayako loba, mais en tout cas, hélas, il y a quelque chose, et ça m'a lamouté, ba déclara ba foutra ben ba taxe te. Et ezali kaka bangote tout le monde. Bozo ango na cadre ya mabete, ayeko panza pareko, na yeko panza pareko te. Je vous dirai que na kati ya pareko, je pense batumi balé au misatu. O balingi ngate bazo mona peut-être. Nazoya peut-être na intention na kota na pareko na koma soki nan loin de là. Mais ba obatikali ba te bele ya pareko, en tout cas, on topes tozo pesa na ba respect. Tozo pesa na ba respect, soki ba bengingai, tozo solo la, lokola batu, batma na mboka. Seulement 3 personnes na pareko. Oyo bazo mona ngai peut-être, makanisi ya mabe ya kota na pareko, nazana ngoti. Alors, dans le cadre du conseil de la Bandaï Koloba, Si vous êtes une organisation, une association bien reconnue, na statut na bino, bo futa ka pe ma taxe. Taxe pe za la ka mbongo mingi te. Bo futa ka ba taxe, et ko sali sa bino un jour. Mutuloko la banque, nani, Antonio Guterres, secrétaire général ya ONI. Mais l'organisation na biso oyo ndenge na za ko cité. To lo bata CNRC. Tout le bata pareko, tout le banyoso. Est-ce qu'il peut vous rencontrer? Parce que Herbokoti Mukanda Yambabino, il demande d'abord, c'est une association, une organisation, oui. Bazar est connu, statut Ezali, oui. Dans quel pays? Tel pays. Il déclare les taxes, oui. Allez, bope sa nano déclaration, ba taxe, na ba impôt, na bango, il y a 2 ans, ben 3 ans. Ba tali en règle, oui. Alors, na koyo kokuta na bango. Pourquoi? C'est pour éviter, ba dongolomiso, ba tchela, ka batu bambo, mama B. Voilà, et l'autre est tinda que Bango Bazala, ce que le problème est Ali, Bango Bazala, n'a qu'à ta problème en athée. Bango Baloba, non. Organisation Obasengito Kutanabiso, Bazana statut na France, et gouvernement français, et Ebi Bango. Organisation Oefutakaba taxe, gouvernement français, Ajoakaba taxe na Bango. Alors, Biso te Kutanabango, parce que Bazali Batoba Niamu Niamute, Bazali Batuya Malamo. Mais Baya Komona, c'est une organisation. Bozoa Kambongo, oui. Bariklaka Tax et l'autre côté. C'est fondé en quelle année? En 2005. C'est quel type d'organisation ça? Quel type d'organisation ça? Et Zali n'a pas de nyonso. ONG, et Zali n'a pas pays. Oyo, par exemple, ONG, il faut déclarer. Makambo nyonso, mais na bamboka mususu eza mingi te. Par exemple, na Corée du Sud, soki osali ONG na yo, une organisation, il y a deux choses. Soki olingi, osali organisation na yo kaka lelo bani pe ko travailler, oza na besoin ya autorisation ya l'État te. Mais soki olingi organisation na yo, Ezwa Kambongo, subvention à l'État. Il faut déclarer. Il faut qu'aux autorisations à l'État. Alors, ce que l'organisation na yo, ezali kozwa ba cotisation. Il faut qu'on déclare Mbongo wana. Ezala mutape si 1 dollar. Bon, l'équivalent de 1 dollar. Yo pour futa taxe par rapport à 1 dollar wana. Et à l'organisation nayo, ils allaient reconnus par l'État aux autorisations bien aux ouatés. Mais ce qui m'a kambambongo et côté na kati, ils allaient qu'on percevoir l'argent. Et à la cotisation à moto koufi. Et à la cotisation à moto za malade. Ceux qui vont cotiser mbongo à moto za malade, par exemple, mbongo à koki 2000 dollars, l'équivalent de 2000 dollars, il faut qu'on foute ta taxe nango. Sinon, ils allaient une organisation ya niamu niamu. Yango bomoni na titre na biso a tokomi, est-ce que biso tozali na problème ya sérieté? Oui, je dirais tozana problème ya sérieux. Tozana problème à sérieux dans le sens que botalandenge na otuko détaillé awa. Volé mususu ya non sérieux et c'est que tozali. Ba organisation oyo nyonso na tangi. Na o na tangi te. C'est rare, bomona, une organisation. Otozali kolite pona ko libérer mboka. C'est rare, bomona, une organisation avec un projet de société. Kombo na moni, na monite. Organisation nini otozana ngo na kati ya diaspora na résistance. Tozali ko bunda pona ko libérer. Boyebiti ko libérer mboka, peut-être ko za lobi na tongo, peut-être ko za la après une semaine. Organisation nini baza na projet de société. Bozo komona ke libération soki ye lobi na tongo ba organisation oyo pe bozo ka makelele makelele makelele bakozala lokola Félix aye na pouvoir sans projet à société azana ngote eza wapi non bazo koma organisation mokote en tout cas onayebi peut-être onayebi te ezali mais en tout cas onayebi organisation mokote ezali na projet de société ezate. Soki bo libere mboka lobi, vous allez gouverner comment? Avec quoi? Boko organiser ndenge nini? Parce que bato oyo tozali sérieux, il faut qu'on prévenir. Lokola tozali kolite po na mboka, toyebite mboka ngo, toko liberango jour nini. Eko yiko zala dans une heure, eko yiko zala lobi na tongo. Me biloko nyon si fweza la pre, soki bozali na bozali sérieux, soki bozali in organisation. Voilà pourquoi, mes chers amis, Nazali Koya toujours pour nous proposer, yako dissocier une résistance négative, négative nandenge ya négation ti, et une organisation positive, une résistance positive, active. Na résistance oyo active nazali koloba. Nyonso mi balé toza na tina nango. Me nyonso mi balé koyo kozala esika mokote na ndako mokote ya korezone makambo. Toza na besoin ya une résistance ya makelele. Wa wa wa wa wa wa wa wa wa. Azo pesa toujours exemple ya Pareko. Bolimbi sanga parce que c'est public la Pareko. A Pareko, oui. Ndeko yo ozali na Pareko, oui. Oto banda banda kala, biso to umeli, na résistance oyo, biso, résistance oyo. C'est très bien, mes chers amis, c'est très bien ça. Mais, apport na yo, na pareko ezalini. Ah, biso to zo ba risque. Na tango to zali koke niko yemba, ba marche, très bien. Na kadri ya ba, réflexion ya ki nanini. Te, oye na ko zo a risque ya ko telema, ça c'est bien, risque on a pe eza apport. Ozui risque ya koyemba, ozui risque ya kotambula, ozui risque ya kobeta batu. Alors, zala na groupe oyo ya résistance. Groupe mususu, oza capable ya komema nini na résistance. Non, moi je suis docteur, na yebi très bien na musala na biso ba docteur na Kishasa, voilà ce qu'il faut innover na santé na biso na Kishasa. Ah, vous allez capable. Il y a quand même cette réflexion sur papier. Oui, yo le kanangambo. Il faut tous en mesure à vous dissocier. Oyo baye nangambo oyo ya papier. Na oyo baye nangambo oyo ya kuutiliser leur corps physique. Biso mi balé na air moko il faut tous en symbiose. C'est-à-dire quoi? Koto yo baye na réflexion ya papier. Mais papier oyo eko libere mboka te. Papier oyo po ezala na realité. Ifu toza na besoin na oyo ya ba oyo ba ye na apport physique na bango. Alors, entre les deux groupes, ezali na groupe moko oyo eko ede biso na métamorphose. Oyo ba ye nango, oyo ba ye nango, la théorie comment toko sala yango po ezala malamu na pratique. Tozo rejete groupe mon côté. Ba applaudisseur toza na bango besoin. Ba tu batambula ko yemba banzembo toza na bango besoin. Mais eloko ezo zanga biso na Congo. L'intellect yako bimisa yango na mutu, kocha yango sur papier. Ezo zanga biso. Pourquoi ezo zanga biso? Parce que, groupe oyo ba me makapor physique, ba kidnappe résistance. Pona bango, bazako mona ke lokola biso to tambulaka mbule zo bete la biso libanda ba neje zo kwe la biso libanda la résistance c'est nous Bino bato mosusu bongai ngai eleki bino bovanda kuna. Voilà bato mosusu oyo bazali na mwa bongo ba kongole bazali ebele bazo se réserver bakoyate. Bakoyate pourquoi? Parce que ce groupe ici qui amène l'apport physique bazo comprendre tes résistances, ils en a besoin ya bato ko réfléchir, bazo na besoin ya laboratoire. Laboratoire eza bato o bazali expert na matière boye. Société na biso eza na besoin d'expert ebele na domaine nyonso. Bandeko oyo bazo mema apport physique yango bozo mona bango. Yo, outi wapi, oya ko panza résistance, biso to wumela, to zwa ba risque awa, bakanga biso, ba neige likola mzoto, mbule zo betela biso, yo, outi wapi. Non, ses amis ici bazali ko comprendre te, que libération ya mboka, e dependa kaka na bino bakolo mboka te. Oyo nyonso bozo ka bazo yipisa bino ke, o kona za mota mindele, bango kona baza bata mindele. Mes chers amis, bazaba menteur. Le monde, système oya monde tozana ngo système international. Moutou, toya ko changer piné wana lelote. Ezali na façon nango e marchaka. Ezali na façon nango e marchaka. Bokoye ko sala mouvement nyonso bolingi. Mais si au niveau international, ba pesi bino ndingi sate, ba yebi bino te, et ça passe pour votre travail. Parce que un au Congo, même si tu es riche, dit, na Congo ne zan même botimoli diamant, awa, même botimoli 20 milliards de tonnes de diamant. Ce qui boye bindenga ko sale ba diamante, diamant ne zan lokola mabanga ya pamba. Koltan toza nangwe bele. Soko bo yebi ntenga osayi langote. Koltan one zaka kama banga ya pamba. Po batu wana bako yiko bloke bino. Ba bloke bino. Batu oyo to lingi bangote to bloke bino na system. Par exemple, na system financier. Bo moni ndenge bo tinda ka bambongo na transfer ya ba bank. O ba benga ka Swift. Eza ba code. Au niveau international, ce qui va bloquer Bino, va suivre Wana. Mes chers amis, bon, vous avez dit. Ba Western Union, vous avez dit, ba MoneyGram, vous avez dit, kaka Mindele, vous avez dit, bata Mindele, bango baza bata Mindele. Mindele, ce qui va bloquer Bino, va suivre Wana, ya mbongo, ya kotinda mbongo. Oko tinda mbongo, te. Loba ozo mbongo, yo moko tchana valise, o matana avion, ok, nango. Me kotinda boke na Western, o tinda, eko kende te. Ok, na bank po tinda mbongo, eko kendete. Nyoso wana batu basimbi yango na maboko banani, Mindele. Biso ba Kongole presence epa ya Mindele ezate. Presence epa Mindele ezate. O nyoso bozoka bazolo ba biso to banda, biso apareko eza ya biso, biso to banda, resistance o eza ya biso. Mais soko tu niye. Résolution nini ces groupes là au bozali ko se vanter résistance ces arabino résolution nini bo mema même na union européenne na pamba place bo vandi congolais musala na ye autodestruction autodestruction. Soki oyo ko bima mwa moke, ke non bandeko, esika nga na zali, esika nga na vandi, esika nga na kendaki. Na yebi mwa eloko, na koyi ko yana ngo. Po to sangisa, po na mboka na biso. Tain? Kongole ako mona yo jena. Ifu basala ndeni, ba detwiri yo. Se po cela vous voyez, ba Kongole ba kamayele bazei, Bele. Bazali ebele. Me bazo boya kobima. Bazo boya pourquoi? Honneur na bango. Ezala suye. Ifu ko zala. Franchement, ifu ko zala. Parce que so tali ko fingama tozo fingama. soki botali ko fingama tozo fingama, c'est rare bomona un intellectuel aya ko kota na biloko ya boye po ba finga ye. C'est rare. Foza na motema. Foza na bolingo ya mboka. Mais so tali bato ango bazo finga yo. Soko tali batu yango. Oyoki yo moko posa ko sanza. Ba intellectuel congolais bazangite o bako yiko mema ba proposition na bango bazangite. Mais bazo banga culture congolaise. Oko remarke que koya oye na ndenge ya malamu bango bazo mona na ba intention que non. Lokola ye aleki ngai, lokola ye awa, ako ya kozwa risika na ngai. Yango bozomo na bana na biso na Kongo bazali kokufa na ba société, na fonction publique. Okomona mwana uti kosisa classe universitaire, très intelligent. Aya na fonction publique aye okuta ba tata oya kala wana. Balingi yete, po ba yebi très bien que mwana o lokola ye, soki a ye ko innove. Ngana kozala susu awate. Bako sala ndeni, ba poison koboma, bazo boma. Soki bomoni, mutu waza mayele, intellectuel, moto aza populaire ou sala musala kitoko. Batu balingi yo parce que sala musala kitoko. Toza na monde ou ya démocratie. Soki bo moni mutu, azo boye élection, ya un problème. Soki bo moni mutu, azo boye élection, ya un problème. Soki bo moni mutu balobi bon voilà ndako eza na mwa mubulu vanda na mwa pembeni to bongisa après oya ko vanda eza kiti na yo oya ko vanda eza kiti na yo oya ko vanda me ndako ezo swente ma ezo tanga bimana libanda to bongisa soki bo moni mutu boya tingami na kiti wana bo bongisa ngaka ka place na zali ndako ezo tanga ya un problème. Parce que nga soye na yebi na zo sala musala malamu. Nga soye na yebi ki batu balingi ngayi. Pona musala na ngayi. Eleksyo ya butu moyi. Meme bo briske yango butu moyi. Nako linga. Parce que na yebi ki batu baza sima na nga. Bako vote nga pona salaka. Bako vote nga pona ngate. Mbako vote pona musala. Oyo na sali. Alors, soye moni muta tingami. Tete. Nako bimate. Bobo ngisa ndako nga naza awa. Il y a un sérieux problème. Toyo ki kebal batu balingi te to lo ba bongai. Mais toko tika lo ba bongai te. Nazala président. Na organisation wana internationale. Mandat eza ya 2 ans. Na sali 2 ans. Vote. Na pesi candidature pour na renouveler. Nazalate, elle va sa l'élection. Va sa l'élection na Genève, na Suisse. Ngai na New York. Batu o bazala ki na ngai, pona ko wela kiti na ngai. 5 personnes. Basali propagande bazala ki sur place, bazo kuta na batu, bazo solula, non yombi esika boya sala ki biente, ngaso na ye na ko bongisa, ngaso ki na ye na ko sala boye, ngai na New York, bango na Genève. Tout le monde bakuta na ki place wana. Un ami m'a dit mais il fallait zala awa. Ezala ki na tango baye ko benganga na Obama summit. Na conférence au Obama bengisa ki na ONU na New York. Ami moka benga me yombi falo zala awa batu bazo sala propagande yo zate. Ezala batu msuba yo ka yo na kombo ba mona yo na nte. Ngabi bo problème zate, je fais 2 ans, ça suffit pour moi. Soki ba voter ngate ça va problème zate. vote sans propagande. Et là, on est salaki propagande nanga. Moussala na salaki pendant 2 ans. Moussala na salaki pendant 2 ans. Na zala wanate, na sala na kouta na batou moi mbote, na bo vote nga, na zala te. Résultat élection. 82%. 6 personnes, hein. Bangonyon soumindele, ngamoko moutou mwindu, africain, nazalate, nazali propagande, 82% yaba vote. Kobanga élection te, so salagam salamalam. Kobanga te. Allez-y. Esagé démocratique. Kobanga te. Alors. Mes chers amis, na voyez bino que bolanda bande konabiso oyo bazali prépayé té bazali ebelé. Je voudrais ici quand même il faut qu'on remercier professeur Yalengi na New York aux États-Unis. Professeur Yalengi ndenge na lobaki yango une fois na yebaki été, je l'ai découvert bande ko ba recommandé nga landa professeur wana na luka ki ko contacté yété. Na kei na Google, na luka ye. Avant na kontakte ye, na kei na Google, na luki professeur Yalengi. Na moni ye. Na tangi makambu na ye. Banda l'époque Clinton. Il a travaillé seul ou bien 2-3 personnes. Banda l'époque Clinton. Ba ekri na ye, zali na Google. Na remercier ye. Na tango pe ba yebisa ki ye surungai. Aye ko lukate alanda batu o bazali prepeye a yombi a zabu ete. Ake na Google. Il a révélé des choses yaba université. Okout na tango sakate. Université Moussousou. Donc, merci panaye. Pona kolobela biso. Merci na bande kwe bele. Lokola leki na biso na Londres Patrick Efonja. Cordon, c'est ça. Et c'est un petit aussi que j'ai découvert. Bon, petit na âge, hein, mais en tout cas, dans la résistance, aza petit et aza collègue. Aza collègue. Je l'ai découvert, na yugai kombo na ye, et puis na luki, atanga ka na université oyo, professeur moko azali kuna, directeur, ya département, ya droit de l'homme, c'est mon ami. Foto ezali, c'est mon ami. Ou avant na Londres, aluka Patrick Efonja akende ko lakisa ye. Mon ami, azakuna, mundele na Londres. Donc, merci beaucoup na vraiment na ye, merci. Merci na batu nyonso na koyiko tanga ba kombo na nyonso te. Ne défendez pas la personne de Yombi. Bo défendre personne à Yombi te. Défendez la vérité. Défendez la vérité. Parce que ce qui vérité exacte, le kouta ezali. Ezo tchabiso na mon boulou moko makasi. Bota la sikoyo. Oui, tozali inorganisation. Tozali inorganisation. Bon, voilà. Maintenant, il faut tomber ma cause na biche ke nivoye banane nivoye ya oni. Bako yiko kendete. Bako kendete pourquoi? Le kouta eleki na kati kona. Bozali ko zwa mbongo bo deklara ka bataxe te. Siko batwa kozo bino na serie ndengeni. Est-ce que vérité a boyepe foko bomba ngoko lobate? Mais non, tozali ba, soki batu bazo pesa mbongo na bango. Mais il faut ko justifier mbongo na bango bazo pesa quand même. Hein? Ce sont des histoires oba pasteur na biso bazo sala. Pasteur alamoki ye mokolo rêve, ye mokolo ndoto, aloti esprit, nzamba bazo sorwa na ye. Alamoki na tongo ser yaka, bake na Pascal Mbunda ki zaka, oa ye mba kamalama ye, frère oa sota kamalama ye. Mabonze zoya na komba pasteur. Noto somba ndaku. Basombi ndaku. Ndaku na komba iglizi te. Ndaku na komba pasteur. Mbongo bozocha na komba pasteur. Pasteur akufi famia pasteur. Ba telemini yeza mbongo na biso. Boko funda bangwe pa yewati. Se ne pa yini skrokeri sa? Ezali skrokeri te? Ezali yini skrokeri te? parce que ce que vous avez l'église na biso parce que l'église na biso pe moi makambo ya nyamu nyamu pe zali mais quand vous regardez l'église catholique l'église kimbangiste l'église protestante ma bonza nyon sezo kota ezo ke na kombo ya église catholique l'église kimbangiste Matika la koyokate par exemple l'église kimbangiste ke mbongo soye koti kuna mbongo anezali na kombo ya dialunga na kontima jamais mbongo ezali na kombo ya église kimbangiste batongi hôpital nazana neve nanga asala ya kuna za docteur l'église kimbangiste na hôpital kimbangiste ya kimbanseki na tuna ye un jour edenga na ye banamona mikanda ya hôpital waneza na kombo anani a faufilé administration na bango mais parce que wana ezana kombo ya église kimbangiste ezali na kombo ya liangenda te ezali na kombo ya dialunga na kuntima te ezana kombo ya église kimbangiste église catholique la même chose mais l'église na biso oya binzambi nzambi Numéro à compte, bozo tiye la mbongo na komba pasteur. Ndako ya église, avi, to kotize to somba église. Pona ko somba ndako, to kotize to somba. Soki ba lobi, to kotize to somba, ça signifie quoi? To zali ba copropriétaire. Soki pasteur a koufi, ou église a koufi. To koteka ndako wana, to kaboli mbongo na bandimi. Ba kolo mbongo, to zongisi mbongo na bango. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on voit? Ndako église na komba pasteur, ma bonzezo ki na konti ya pasteur, pasteur mutazo sala nango kotinda ba voyage, moi chacun na voyage, bana bake pona kotanga, bana bake pona bilamba, bana pona boye, et kotuna question te, soko tuni question zali motomboki, nyama ya kala, ifuko bwaka yo na bisika bikauki, ba priere mikolone ko zalaka contre yo. Même vous, oyo bozali, Même vous, Esika Bozali, Oyobolobi Bozali, naba pays civilisé. Il y a des gens qui viennent vous rouler comme ça. Basali une organisation. Mbongo kende, na kombo ya nani, oyebite. Mbongo ezokende na konti ya banki ya nani, boyebite. Kotuna te, soki otuni, ayeko panza. Ayeko panza. Problème est à wapi. Nabiso mon côté. Problème est à nabiso mon côté. Okoyoka biso na diaspora ko intimider ba twa na gishasa. Eh di bino façon abino de vivre wana vraiment c'est dégueulasse ça. Biso do vande na Europe, biso na France, façon abino wana, il faut ko évoluer, mentalité faut changer. Yo mentalité faut changer, yo moko zana kat organisation mbongo zo pesa organisation ezo ke na compte ya nani. Oyebaka. Demandez ça eza ko baby sa organisation ba touté. Transparence il faut ezala quand même. Bota la siko to suki, ne toza awa toza ako suka, tozo luka ba organizasyon meme diz. Oyo boyoka to chaka makirele li banda, meme diz. Toza nango bezo na oni, ba loba, na zoom. Me avako loba la kisa mikanda organizasyon na yo, ozali rekoni, epa yo api. Namboka nini, ozana stati, oui. Ofuta kaba tax, non. Oyate. Okoyate. Ngaite mutu na lobi, Mibeko ya bango moko na niveau ni. Bango nde batu basala bongo. Ngaite. C'est regrettable. Situation ya mboka na biso ndengeza kokende sikoyo. Botala na beni. Na gize sikoyo ya okende kukonkliri. Botala se ki se passe na mboka na biso. C'est chaque jour ki passe batu bazo kufa. Bande kwebele batu naka. Pourquoi batu ya oni oyu bazako yoka bisote? Mes chers amis, nasina explika yango. Oni a intervenaka. Soki bozali ko pousse bango. na ba faso boni, ba faso misato. Mboka bozali victime ndenge batu bazo kufa pa na biso. Les gouvernements, par exemple, le gouvernement Félix, il faut ba saisir au nid, ba pousser au nid. Ba pousser au nid. Ce que le gouvernement a sala yangote, pour avoir intérêt na ye. Société civile. Société civile, on est allé nani. Yo, nangai, beglise, ba ONG, batu. Moutou mokote, bo sangani. Li boke, li loba moko. Pour na cause ya makamondenge zo leka na mboka na yo. Bo sangani, bakanisi moko, bo keina oni. Faso ya misato, oni bango moko. Ba monike makamondenge za kolekeza mabe, ba se sezir na dosi wana. Or, na mboka na biso, oni bako sala yangote. Pourquoi? Parce que batu oyo bazwa ka ba decision na kati kuna bazali impliqué na makambo na biso na Congo. Po na bango makambo ezoleka na Congo, ezali malamu po ba mboka na bango ezala malamu. Soki basali makambo po na kosalisa ba Congolais ekozala pasi. Po na ba mboka na bango ba intérêt na bango. Gouvernement na biso ko iko sala yango te. Bino moko bozo mona. Batu bazo kufa kuna na Beni, batu bazo kufa na Est ya mboka na biso, prezidant za wapi? Prezidant za na bafete, prezidant zo kabula bambongo na ba depite, pou ba fer passer gouvernement, et pourtant ya un gouvernement o ezayi na kat, na place, même ezayi intérimaire, ba membre gouvernement o intérimaire na bazo kima na ba 12, ba 2 millions de dollars na ba sac. Et batu bazako, o liye batuna, nani chef ya ministre oyo. Ministre oyo a sali combien de temps? Binonyons voye ko soutouka 2 millions de dollars na sac na braza. Wana ministre 2 millions de dollars. Ba collaborateur na ye. Parce que ministre ye mouka okente na banka retire mbongo. Ye mouka okita osala ba dossier wana. Ba collaborateur na ye. Seke mbongo na ezala ki combien? Ezala ki 2 millions de dollars te. Ezala ki plus de 2 millions de dollars. Ba kaboli ministre nde yifo azwa mwa mbingi. Soko sangisi nyonso o bazwi na ba collaborateur, c'était combien? Mbongo o e bima na kesi ya l'état na banque centrale, ou bien na banque tel, mokolo nini. Pourquoi vous n'avez pas remarqué que mbongo ezo zanga, bazwi mbongo bake ne kufuta ba enseignant, ba enseignant ba futi bango te. Est-ce que mbongo e bima ki na kesi? Oui. Mais ça prend combien de temps pour vérifier ça? Yango to yebisa kabino ke kotanga eza na tina. Leadership eza na tina. Ce ministre, depuis qu'il est rentré là, Félix a yebi koye ba ko vérifié te, ke no ba enseigne ba futamite, mais mbongo e bimaki. Boye ko soutoke ministre a yebi mbongo, na tango a bimi na mbongo na pays, il est déjà parti. Na mboka ya libanda, boye ko soutoke ministre a yebi mbongo 2 millions. Soki to lobi ke batu bazali ba idio. Soki to lobi ke batu bazali ba idio. Et comment ce ministre est sorti? Abimi pe, atamboli makolote, alongo Kinshasa kati si maiti na braza, na saki na yena 2 millions de dollars. Nani aza sanse ko surveye batu banani bazo bima, banani bazo kota. Boyoka ta arrestation moko, ata interpretation moko, toyoki angote. Et je vous dirai ceci, le ministre la na mbongo oyo na braza bakangiye, selon Mibeko. D'abord, un, bako zong se na Kinshasa ti. Ke, loko la bakangi, ba zong se na Kinshasa. Ministre Oyo a violé loi mokote a immigration. Mende, pona Oyo ba benga ka blanchissement d'argent. Yo oye ko tambola na maboko cash na 2 millions de dollars. Il faut justifier ce qui est ali mbongo na yo, ou bien mbongo na yo te. Or, au Congo, les gens peuvent se fabriquer des documents. Ministre la soka a justifié, oui, eza mbongo nanga, na tsomba kibui, na teka kibui, na teka kibui. Congo braza bako pesa ye mbongo na ye, ako kende. Congo braza bako pesa ye mbongo na ye, ako kende. Le problème ezali, Congo braza, félicitations pona bango, Mais il faut bosser là, on a battu nous. Il faut qu'on justifie que Mbongo n'est allé à yo par des preuves. Et pas na biso boye bika système ya kadiosha. Na moment on est aux oua mikanda kuna bazo sala yango pona ministre a justifié ke zambongo na ye. Alors ministre, soka presi ba justificatif nyo soke zambongo na nga. Bo kanga ye pona ni. E zambongo na ye. Botika yakende. Zobande idio e zande. Oyo angaja ki ye loko na ministre. Parce que mbongo na yiba mi lelote. Combien de fois bato bazo loba, enseignant bazo zo mbongo te, enseignant bazo zo salaire te, enseignant bazo zo salaire te. Mais mbongo wana ministre 2 millions wana, a lokoti yango wapi. Nous sommes escroqués partout. Nakata Congo tous allés escroqués. Na diaspora tous allés escroquer. Alors, toya na mon pépé, la vérité te pourquoi? Quelqu'un peut me dire ici, au nom de quoi toloba vérité te? Parce que Congo, Congolais, azali victime, ya ba mensonge pelé. Ministre, on a landi vidéo na ye moko, azali ko défendre. L'enseignement, ma camion, c'est ok, il n'y a pas de problème. Les enseignants, basali bien traités. Il n'y a pas de problème. Dans l'un des vidéos, il y a mensonge. Mais ce qui est à la canne, c'est un esprit à vérité. Au basali, dans le ministère, il y a enseignement. Esprit à dénoncer. Mais le bon, on a ministre, on a abîmé dans l'autre. Mais le mbongo wana ministre na bimi na ngote. Na koyebi sabino na mboka Kore, mboka nyo so korruption ezali. Mais na koyebi sabino, comment les Coréens diminuent en pleurs ya corruption. Ezali na service moko, ezali citoyen nyonso, il faut za la Corée. Citoyen nyonso, okoyi kokota kuna na kati. Les gens, ban ebele ba jeune. Mingi bazolinga so okende ko sala misala te na ba usine ou bien bazolinga te. Pourquoi? Gouvernement a lancé programme moko ya ko kanga ba fraudeur, ba corrompi na ba corrupteur. So ki o denonce corruption, ba ko futa yo 10% ya mbongo o yo denonce. Mais je sais que ba gêne, so bo moni ba vitesse na ba voiture na ba ona ba caméra. Essentiel que oya na ba preuve. Gouvernement so ki ba zui yango ba vérifier. Ba moni que oui, ezali fraud. Ba ko évaluer fraud wana mbongo combien? Yo ba pesi yo 10% nango. Je connais encore étudiant Nabiso Moko, ça fait, je pense, 4 mois. Na restaurant Moko ya munene. Aye kokota un restaurant Azolia, esprit est indié par infraction. Akende kokota na cuisine ya restaurant wana. Nzokande acha ba kamera na ye na ba poche na ba bouton. Akoti kuna moni faso bazo lambe la biloko wana menon, ezo respecta ta norme mokoti. A filme nyoso ake nangona service wana. Ba kanga restaurant wana. Me ba ye ko futa ye, le 10% ya capital ya restaurant. 10% capital à restaurant, restaurant bakangi, mokolo restaurant na prison, mukamate. To meka impe ko changer vision ya gestion ya mboka na biso, ya société na biso. To yebi ke mutu nyonso aza faillible. Mais to meka impe ko minimiser ba fraude, ba lokuta, to minimize, eko sunga biso. Franchement, je vous dis, mes chers frères et sœurs, na ndenge bozomu na nga na zaliawa. Soki boyoki moto aye koyebisa bino. Ke meshe wana aye po a panza resistance. Meshe wana aye azali infiltré. Na yebite infiltré, oui, peut-être infiltré, ya Congo, na zali infiltré. Na lingi Congo, na lingi koyeba, qu'est-ce qui se passe na Kombo a Congo, na zomo na makamabe, il faut na dénonce yango. Tome kako mesana, mouke. Tome kako yebi saba proche na biso ke, e loko ozali ko sa le zali mabe. Soka yoki a yoki, soka yoki te, lobela ya yoki te, denonce ye, ko bomba te. Soki o bombi, yonde mutozo baki sa souffrance ya Congo. Mes chers amis, batu oyo bazali ko loba, c'est le Rwanda qui nous détruit, c'est le Rwanda, oui. Le Rwanda ezali parmi les pays, parmi batu oyo, ba groupe oyo bazali ko détruire mboka na biso. Mais n'oubliez pas, une autre partie, ya ba Congolais biso moko. Ba Congolais biso moko. Parce que quand je vois moi-même, ndenge nini na ye na résistance oyo. Avec quel mécanisme, avec quelle idée, avec quelle volonté, avec quelle sincérité, et au mon abattu, les déviants négatifs, ko sala baka diosha, aye ko panza biso, biso to mesana na biso, aye ko panza résistance, azali infiltré, bamso azali rwandais, je me dis, mon Dieu, ezala na tangwa kala ero bandai ko agir, moto asali mabe apeli moto na présence ya bato. Pourquoi ko zongi sa tangwa na te? Otala motema na ngai, otala mitema bandeko oyo. Bato bako zika moto bako koma libanga ya Mungu wa mbala moko. Elas, periodo waneza sute. Me, kom na uti koloba, notre problème ezali problème pe spirituel. Apel msuto zali ko senga. Bandeko nyoso ya mboka na biso. Ba homme de Dieu. Bata ba vision. Tozali na besoin na bino. Nous avons un sérieux problème en spiritualité. Parce que Satan travaille à travers bandeko ya boye. Oye na groupe, groupe wana ezali po na société na biso po na mboka na biso, omoni mabe, to changer mabe oyo, balingite mabe changer. Balingite mabe changer, balingi ba continuer na mabe wana. Yonde siko muto komi muto akwa battre. Parce que oye ko panza mabe. Bozo ka bazolo ba toujours to mesana biso to banda to zo pa risque to zo ba risque na mboko yo yo uti wapi o uti wapi te na uti wapi te na uti na Congo na uti na Congo. Oui c'est vrai po mesana bo umeli bozu ba risque. Est-ce que ba risque na bozu yango po na Congo bi ba risque na bozu yango po na intérêt na bino? Parce que il y a des gens qui attendent une opportunité ya mbongo ya corruption bazali belé na résistance. Bazali ko bunda, bozo mona bango, oui. Bazo bima na balabala, oui. Ba neje zo kwe la bango, oui. Pourquoi? Pour na visibilité ba mona bango, en cas de corruption, ba tcha bango, kabaya ou corrompre bango. Rien d'autre. Rien d'autre. Tolobite ke bambou mamala mwezate na kate a résistance. Bazali. Yango to zali ko senga, na bambu mamalamu wana. Bokabwana. Bokabwana. Avec batu oyu bazali ko zela. Opportunité ya kop. Baya ko korompre yepo. Yalo baka mingi azali zista. Bamona kaina ba march azali. Ko yemba azali. Ko beta batu azali. Bokabwana. Mabe salami na résistance ndeko sali mabe kende ko pema. O sali mabe ndeko pema. Et ma bé, on est fou, l'oba yango, pour épais sa leçon, na bande comme sous. Bato, bazo, ba, pour n'y a qu'en a qu'en a inbox te. Pour n'y a qu'en a qu'en a qu'en a inbox te, di. Bakamba inbox, on a mboka na biso yango, et baby si mboka. Félix a qu'en a qu'en a qu'en deal na ye inbox na kabila. Félix a qu'en a qu'en a deal na ye inbox na kabila. À un certain moment dans la dans les résistances, il faut que tika makambwana ya ba groupe ako yokana boni kambezali ndeko boya to solo la to bo sa ndeni kuna bon mona sal mabeto bo mamoto kaka entre biso bo bimisa te so bo bimisi bata Félix kuna bakozwa makasi te bata Félix bakozwa makasi te bato oyo bozali ko protéger bazali nde bato ya Félix. Bazali ba lou na elongi ya meme. Bazali ba toi Félix. Oh non, voilà bozo pesa. Bozo pesa ba toi Félix makasi po ba attaquer biso. Te, tozo pesa Félix ba toi Félix makasi po ba attaquer biso te. Tozo pesa ba toi Félix ba retirer ba ton abango bazana résistance. C'est tout. Mes chers amis, vous pouvez rester seul na kata résistance, mais zala na kata vérité. Ko banga te. Les 100 millions de Congolais qui ont été moulongo, bango ont so groupe moko, bazo condamné, mais ce que vous avez dans les justes, ndeko, tikala na position wana. Tikala na position wana. Ah oui, ndeko moko azolo ba Jésus, Myriam, je pense. Jésus azala ki moutoua vérité. Est-ce que batou balinga ki est? Bako linga yo te bako combattre yo. Une maman m'a appelé pour me dire papa ko landate ko lobate ke batu bazo kote la yo te ko linga kutu te batu baya ko kote la yo zalande yo zala yo moko. Zala yo moko na vérité na yo. E zala basangani 10 millions. Zalande na vérité na yo ko changer te parce que nyo so ne zanini molimo na satan nyama na yaudi bazali ko ya ba attaquer yo po sala nini o lemba nzoto tika bango ba continuer non pour les congo to ko sala yango ata seconde moko te pour les congo to ko sala to ko tika ta seconde moko te. Et ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit que vous avez dit que vraiment avez dit que important pour vous avez dit que vous avez dit. Et ce que vous avez dit, personne ne dit que vous avez peut-être tanzanien, vous avez non. Vous avez dit que vous nationalité congolaise. Vous avez vraiment dit que vous avez dit que. Mais tout ce qui suit, professeur, vous avez dit ce n'est pas important. C'est pas important. Bato nyo so bazwa ko lo bazwa professeur que pour le ba il faut za professeur. Non. Non. Il faut ko za la congolais. Et nazali congolais. Parmi ba oyo bazali ba kolo mabele wana, mabele mame. Mabele mame. Alors, si vous venez parler pour ces pays-là, oui, ils allaient à Bissonion, surtout à ma copropriétaire. Venez avec ma vérité. Boutique à ma camba, qu'on se soutenir entre bino dans les mensonges, dans les escroqueries. Je vous dis que vous avez dit que vous avez dit y a une association. Et ça, vraiment, ma bête. Pour nous, que non, quand même, il faut la sérieux. Si vous avez une association, vous avez un bon et une cotisation. Vous avez un bon et un bon et mais ça bon et alors, ce qui est bon, c'est un combo. Il y a un compte. Gouvernement, parce que vous avez un bébé, que gouvernement n'a pas de vendre les bandes, vous avez un bon et un bon et taxe. Chikoyo. Bon et un bon et un taxe, vous avez un bon et un bon. Ce qui a zolia ye moko parce que compte est en a combo na ye. Aza escro. Aza escro. Ce que vous allez coopérer une organisation na mboka yabatu. Oza na statut légal te. O futa kaba taxe te. Oza escro. Oza escro. Alors, si koto bomba beto loba, na kosuki sa awa bandeko, na mituna ki question. Est-ce que c'est le moment Yaya koloba vérité pour la résistance? Je me suis posé cette question. Est-ce que c'est le moment propice Yaya koloba ba vérité pour la résistance? Et Nami Pesa qui réponse oui. Pourquoi oui? Bandeko boko remarqué na ba moi ezali koya. Et kozala ne loko moke ko salema ya ndenge ya makasi. Esprit ezali ko senga na biso rapidement laver la résistance. Po eloko na so esalemi. Boko yoka bato alokuta bako loba biso bato to sali yango. Biso to zalaki na ba troop. Biso to zalaki na ba troop. Biso to zalaki na boy. Lukuta. Alors, l'esprit ki mbangu me di, rapidement mema verite na kata résistance. E soukwama. Résistance e soukwama. Moutou na lukuta nyamana yaoudi. Azala pembeni. Mboka oyo soki esukwami. Mboka oyo soki bo libere yango. Minimize batu ya lokuta bazala mingi te. Paske ekozala kaka gouvernement ya Félix Bis. Ekozala kaka gouvernement ya Félix Bis. Batu bako atake bino. Bino bolite awa korruption, Félix azo detourne bambongo. Félix azo kosa batu. Félix azo salaboui. Félix ba voyage. Félix kote kamboka. Bino pe boyo kozwa pouvoir ndenge moko. Alors, pona ko koma na biloko wana te, ya un problème na résistance. Mensonge le ki ebele. Mensonge le ki ebele. Okozala yo moko te. Kote lamente te. Ote sentir kozayo moko te. Batu oyo bazali n'esprit ki mbangu bazali na yo ebele bazali. Ndenge bako bimila kokamwa. Mais l'essentiel ezali. Ozali prophète ya mensonge esila. Ozali na mopanga ya mensonge esila. Soki ba atake yo obangi na koboma yo. Soki obangi ba atake ozongi sima na koboma yo. Je sais, esprit diabolique ezali epanabiso. Yango nazali ko senga na batu ya oyo bazali na esprit na mboka na biso. Toza na besoin na bino. Tolingi ba aventurier te. Toza na besoin na bino. Parce que lutte oyo ezali lutte pe spirituel. Nous sommes déterminés. Na côté international. Tozali na ba carnet d'adresse toko mema mongongo ya Congo ekokende. Mais on ne peut pas libérer notre pays kaka pour na carnet d'adresse. Jamais ezali lokuta mensonge. On s'attaque tokende na communauté internationale ba comprendre ba problème na biso. On s'attaque n'esprit ya mabe nyama na yaudi o ezali ko tonda epa na biso. Les gens qui mentent, qui prétendent être bah, résistants. Et pourtant, ils sont résistants. Bah, front n'yon soit naïf et fou, maman. Na bangaki. Na koye koza la moutoute na moutou. Ya kome ma front wana n'yon so. Bande kwe bele bazotuna. Est-ce que zali moment? Oui, bande kwe zali moment. ezali moment. Soki bolobe ezali moment te, bokende ko solola inbox, bengande ko na yo, bo solola te. Makambo ko ya dans quelques mois. Différence e kozala te entre Félix, entre Kabila, na bato bako ya sima. Différence e kozala te. Bako sala makamoko Kabila salaki, bako sala makamoko Félix salaki. Mboka na biso, ba mbonge mi bale e kokende. Moko na interne, moko na externe. N'externe, il faut soukoula. Moli mona Satan, il pele. Oyo alingi, a se sacrifié pour na Congo. Nako senga na yote, okutana na yombi. Nako senga na yote, o supporte yombi. Nako senga na yo supporte vérité. Telemela lokuta, si kozali. Telemela mensonge, si kozali. Toko sali sa mboka na biso, na mikoleko ya, e bongo na ndenga malamu. Mendeko, soki, ozali ko lite contre Félix, po Félix aza lukuta, Félix azo detourne, Félix azo teka mboka, me yo isiko vandi na diaspora na resistance, ozali ko supporte mutu oyo azo kongola bambongo abatu azo lia, Félix pe kuna zo kongola bambonga ba kongolais attaque sa zolia différence eza wapi entre yo ou bien camarade na yo o azali ko kongola bambonga ba tuna résistance sa zolia na Félix mutazo kongola bambongo ya ba kongolais ba attaque sa zolia différence eza wapi bango nyoso mi balé bazani nyama na yaudi moko tozo condamné ba teki mboka. Me yo vandi na moto azo teka moninga na yo. Ayebi bien ndeko oyo. Intention na musala wana sala kayango te. Azali bongo te. Me azali ko yebi sabaninga na ye. Moto azali mabe. Ye mutabomi mboka. Ko teka batu yango. Ateki ngai. Ndenge peto zo teka mboka. Ndenge Félix azo teka mboka. Difference za wapi. Nyama na yaudi moko. Je vous dis, mes chers amis, mbonge ekoya na ndenga kosakana te. Na prometa kabino na ebisa kabino ke eloko oyo soki salemi bato bako kama mokili mobimba ndenge nini salami boy. Et maintenant, nani ako kamba mboka wana. Toujours bato lokuta, bolongoli mutu lokuta Félix, bolongoli mutu lokuta Kabila. Oye ko remplacer sous na moto lokuta donc mboka na biso fwe kenda kaka na bato lokuta na lokuta o baye na lokuta na bango bayibi bayibi bayibi babomi babomi babomi bakei musu soye oh non nga na mibongisa ki pendant 37 ans 37 ans oyo nga soki na zui biso soki to zui to sala boy baye kokota lokuta lokuta koyiba koboma koboma batak balongwe bakei franchement après Félix to remplacer sous bato lokuta. Après Félix, franchement, tu crois qu'on soit engagement. Ils allaient pas si tôt sur le côté nion sur le monde, parce que le côté bandakala. Mais quand même, ba méthode des alliés à co diminuer le côté, à co minimiser ba le côté. Surtout au niveau y a ba décision y a ba tout. Au vendre la diaspora, aux anakata résistance, aux alliés colo ba le côté. Nde komso azo mona yo ka yebi ke makamwana zo lo bezalo kuta zo betelo maboko nana zo boma Kongo wana pe Rwanda kaka wana pe kaka Rwanda oyebi bien ndeko oyo ozana ye ami na Facebook na YouTube na réseaux sociaux oyebi bien makambo zo luba ezalo kuta oyebi yango ovandi calme zo betelo maboko wana pe Rwanda kaka mtu aye ko yebi sayo ke betelo maboko na lukuta oyo. Non, non, non, non. À un certain moment, mes chers amis, il faut ba sacrificateur bazala na mboka na biso. Ngai bozomona na kozonga sima jamais. soki pe ndeko yebi nga na lokuta yaka nango loba soko yebi nga na lokuta na lobi verite te yaka nango loba koyela nga inbox te koyela nga inbox te na lingi makamba ba inbox wana te mikolo na zo répondre bandeko oye inbox na iso te kende na public ovandi na public na mutu o azo bomanga azo kosa makambo pona nga ozo lobe lokote oya na public ah, papa yombe tala mutu boy tala makamba lobi te yaka na public denoncer ye na public c'est-à-dire que nous devons adopter une stratégie ya ko denoncer mensonge na public boko remarque que na tant que tozo denoncer ba mensonge na public lokota iko diminuer batu bako banga ah soki na lobi bako denoncer nga voilà mes chers amis na kozwa leadership ya ko denoncer ba mensonge bakadiosha ezalozali mwasi nanga ezalozali ndeko nanga ezalozali nani na kangiyo na lukuta ya kadiosha na bimisi na public boma kindeko ndengo lingi kongwe koboya ngati mkona ukufa mabela kongwe kosanza ngati parce trop c'est trop yango na utai koloba bo supporter yombite pardon toti kabilo kwana bo supporter yombite bo supporter vérité on peut prendre un engagement asala ka vérité ko cha kombo na yete mutu nyoso ayebi nde komoko asala ka vérité ko cha kombo na yete yaka na public lobali kambo o asalaka et kebisa ndisa nde koso continuer na eloko yo nako cha kombo essayons un peu ça oyebi mutu azolia mbongo abata cotisation bo kotize po batinde la bandeko baza kuna ba kotize lobi na tongo tongo mbongo ne komi ya kabelo ko bomba yango bozoma na teke yom tozo boma Kongo ezaka ka Felix te mutu azobomba bazobo mabandeko na biso alinko lobate azobomba yopo zobo mabandeko na biso parce que bandeko bazo souffrir na hiver ba moyi makasi ba mbula na misala respect bazo respecter te na hygiene il faut la moka 5h famille e pai ba bandeko kuna na Congo e pai batinda ba western ba MoneyGram bino pe koto bolalite cotisation oui pona mboka na biso to cotiser akati mwanda mwana kofsomba akotindira bandeko ne 50 euros 100 euros atindira bandeko na ye papa na ye mama na ye na mboka a sacrifier bango 100 dollars a tchana cotisation cotisation na lui ke na misala o ikoiko sala te cotisation e ke na kabelo il faut revendre kolobate olingo panza resistance bazo senga bataxe naoni po tozali quand même une ba organisation ya makasi ya minene na diaspora na resistance na biso oni bazo luka bato organisation mutu moko te individu parce que so ezala mutu moko ngai na koko kende nazana organisation moko te ya Congo na sala ina organisation nazana ngote alors bino bato za organisation bazo luka bato naoni boya bokomela nga bokende kuna la kisa taxe bozwa kambongo bibozwa kate ba mambre ba kotizaka te soki ba kotizaka yaka na taxe ndengo futa akasi yaka na mbongo ndengo futaka ya taxe ekendaka na konti nini mbongo wana ya bato ya cotisation na konti nini alors nalobi na ngate koza muyibi te oza muyibi te me mbongo wana ezalaka pona misala ya bato te bazo kotizete pona résistance qui ne makasi oui ton dimi yango alors yakasi ko na ba preuve mbongo na kena raconte nini ofuta ka ba taxe pa yapi combien parce qu'à partir déjà ba taxe ndenge o déclarer ben impôt on peut savoir na mbula mobimba mbongo zwa ki combien ya cotisation ba to basala finance comptabilité ba koyo ko aider bino so ye nangote gérant gérant pesa gérant vous avez vu Mbappé pépé calé il y a gérant ça m'a payé ma cambouana y a mon père Félix Azosala ba congolais bazo fouta taxe taxe on a payé tonga banzela taxe on a payé fouta banseignant taxe on a payé salamisala mais talambongo y a taxe à ba congolais Félix Azo matalango ba avion ba ministre y a EPSP 2 millions de dollars na sac à voyager nango mbonga mise gel garat o ba tchaka na sac. Ndeke moko akomeli nga lobi na nga non azalaka déjà millionnaire wana eza mbongo na ye te pardon bakongolais bomitika bozalaka naïf boye te barulaka bino boye bamillionnaire batambolaka na mbongo kashi te mbongo etambolaka na babanke interbank bamillionnaire mbongo etambola bokomona jamais Bill Gates na maboko na malete na ye na 2 millions de dollars jamais bokomona yango te bamillionnaire mbongo etambolaka na babanke. Alors, oyo ministre millionnaire mbongo na maboko boye, azu wapi. Eza mbongo ataki sabato. Alors, yope na diaspora ozozo mbongo ataki sabato. Soki na kosi, yaka na deklarasyon ya taxe kasi. Totala. Yaka na deklarasyon ya taxe. Wala prezida, oyo nani, ndekola biso nani, Fabien Lobaka. Niembes. Yaka na deklarasyon ya taxe. Bovandi pe na Congo te a quand même tout déclare qu'on a pas déclaré la taxe te tu vas na diaspora na occident yaka na déclaration ya taxe total banani mbongo kota yi combien pour so e futa na taxe monta boy c'est que fut e kota ki na carte ya compte autant yaka nango so ye nango to senga pardon. Mikolo pe kabelwe kiti. Po bata COVID bazo kufe bele. Désolé pe na ba am na bango. Bato bazo kufe bele, alors bazo kata basuki ya kabelo. E kiti pri po e komye bele. Alors, eza kaka pri moko? Kabelo. Ou bien kiti po na bato bazo kufe bele po na COVID. Il faut kita. Si vous facturez la gare, n'est-ce pas? Merci beaucoup, mes chers amis, pour la Colanda Bisso. Ce que je peux vous dire est que tout est mais la vérité, le kouta est allé mabé, tout ça est sambo kanabiso, tout ça est que c'est un abattu ou il y a une conscience. Basalisa biso, tomisalisa, to separe résistance. Parce que tozo tangana biso nyonso esika moko poto poto ezali. Ce n'est que normal, biso nyonso na mboka mobimba tokozala ndenge moko te. Tokozala ndenge moko te. Alors, tokabula résistance. Résistance où ils ont réfléchi, moto na moto, c'est l'expertise. Ba yana ba proposition à mboka na biso. On a besoin ya projet, ya société, ya résistance. Ezali wapi. Bino ba tubozo lo ba bia, résistance na biso. Biso to banda banda kala. Biso to nyoko ami. Biso to moni pasi. Hey, vero yo. Yo yako panza. Wapi projet de société na bino. Ce qui besoin pouvoir lobby. Vous allez travailler comment? Comment vous allez travailler? Demain, ce qui besoin pouvoir. Et vous allez quoi la félicité? Projet moko exacti. Vision à chef de l'État. Vision à Ngonin. Le peuple d'abord. Différence entre Bino et Félix. C'est bien bon rester. Il y a la résistance. Bandakala. Wapi projet de société na Bino Kasi. Ezawapi. On va séparer la résistance. Et vous allez voir. Résistance penze Zalindengenini. Tout ça, ben, n'écoute au cabouana. T'es au cabouana, n'est-ce pas? Façon à travailler, n'est-ce pas? T'es au cabouana, t'es allé moutou moko. T'es au cabouana, n'est-ce pas? Façon à travailler. Bah, oyo. M'sala na bango, ba yemba, ka ba betra maboko, ba betra ka batu. Bazali. Bah, oyo, m'sala na bango, ko raisonner, ko yana ba résolution. Bazali. Il faut tous allant d'engouana. Parce que si tu tchèques groupe moko bisonioso, ma wapat, pito pale na kati, chimvundu. Et yango bozo mona siko ba ndeko, oyo. Moyen ba supporter mutu mususu ayate na makanisi. Parce que dès que vous avez un peu de place na bango. Kakangai, nazala, ngana lingina zwa pareko, kakanga. Ngana lingina zwa CNRC, kakanga. Ngana lingina zwa resistance, kakanga. Ngana mtu moko dongo na kuwela. Donc, ifu nazala president ya pareko, na kuzala president ya CNRC, na kuzala president ya resistance. Kakangai. Non, non. Bandeko ba sentir moto ya drago rouge. Vérité nde. Na kotika te vérité nde. Ezala to tambula kana yoza kamarade nanga za nani soko za na vérité te je te dénonce. Alors to nyo ko lamboka na biso boyende. Bande ko na biso na Congo bazozela biso. Ah non, oyo boyeza mabe omone siko zo pesa makasi na batoka ya Félix na batoka Kabila. Te to zo pesa makasi na batoka Félix na Kabila te. Bato yo nde to za na bango na kati. Bazande batoka Félix na Kabila banda kala. Bazo se prétendre lokola baza ba résistant. Baza ba résistant te. Bien au contraire, to nto longola bato baza na baibi na bizaleli ya Félix. Yako liyaka bambongo wa batu. Lukuta. Baka nyota lukuta. Bazo zela inopportunite. Baya okorompre bango. Bango nde to lingite. Alors, oya se sentir ke na lobelie se son problème. Mais en tout cas, soko zali vrai résistant. Soko zali vrai résistant. Oko se sentir ne loko moko te awan makam na lobi. Mais soko zali na nyamu nyamu. Yo moko yibi mute me zo vwa vila. Fabien lo baganin. Ba trembla quoi? Ba trembla kèr. Na lobeli moutoute. Soko se sentir na makambo na zo loba. Seke, oza na kati abilo kwa na. Amandez-vous. Voilà, mes chers amis. 2 heures. Merci pour na kolanda biso. Merci pour na okabola video na biso. Merci pour na kote lemela lukuta. To telemela ngo. Eza mabe, tout tele me la kadiosha, même azali kamarade na yo boza na ye, so omoni ye na lukuta, yo yebi bien ki li kambazo lo baneza lukuta, so tele me liete, oza ndenge moko na batwa Félix. Différence ezati. Alors, botika la malamu, et tokutani prochainement. Lobby, peut-être nous allons venir ici, poto lobe la makambu ya gouvernement, ya batu baza na kati ya gouvernement, et tolobela makamusu sezo leka na kati ya biro ya Félix kuna peza grave e nasuka na bosanaki babenga kibiso na respect ya kulutu mbanda bozo remarke ke ya 2 appareko maintenant soki beti na internet boko mona na uti ko betango boko mona appareko.com mususu ebimi appareko.fr wana pe ngayi mutu na yeko panza. Kulutu mbanda tiki apareko moko. Soki bo beti, boko mwona apareko.com ezali. Boko mwona apareko.fr ezali. Mi bale. Wana pe ngayi kaka. Ngayi kaka. Prophet ya verite. Mupanga ezako telema. Oza mutu alukuta mutu na yaudi na resistance. Oko kweya. Eza la bosangani 10 millions nga moko boko kweya parce que c'est une vérité. Nzamba pinir nga soki na yena vérité te na yena lukuta a pinir nga. Mais sinon vous allez tomber moko moko boko kweya moko moko. Ti résistance c'est côté élément. Boko kweya moko moko. Allez. Au revoir mes chers amis. Merci pour la confiance, merci pour tout. Boza la madame na mabota na bino. Eza la ki ya bino. Mwana ya meni Kongo ki yanjiko langulia kama le dragon rouge. Merci.